Donc l'idée, c'est effectivement que nos invités, qu'on remercie vivement d'être présents, aient libre cours à leur parole. Donc évidemment, on souhaiterait dans un premier temps certainement vous entendre sur votre parcours, sur vos engagements personnels, collectifs, hein, dans la lutte contre le sida et le VIH. Donc cet après-midi, on a le plaisir d'avoir avec nous Alain Formanteau, qui a été président et conseiller national à Aide Loire-Haute-Loire de 1990 à 2005, et Stéphane Kredlich, qui a été coordinateur de Aide Loire et Haute-Loire, puis d'Actis de 1996 à 2020. Voilà, donc je vous propose peut-être dans un premier temps de vous laisser un peu la parole, de vous laisser vous présenter tout simplement, peut-être revenir sur peut-être vos propres engagements, et puis dans un second temps peut-être revenir sur vos souvenirs du début de l'épidémie, pour qu'on essaye un petit peu de peut-être recontextualiser aussi vos itinéraires, et après que les uns et les autres, on puisse échanger. Hein. Table ronde fait que, évidemment, la parole circule et qu'une fois, peut-être, qu'on aura fait un peu plus connaissance. L'idée, c'est que vous puissiez aussi poser des questions, intervenir comme bon vous semble. Donc, je m'appelle Alain Formanteau. J'ai été président de Aide, comme vous l'avez dit, donc de 1990 à 2005. Aide a été créée par un sociologue qui s'appelait Daniel Defer, qui était le conjoint de Michel Foucault, qui est décédé en 82-83 du sida. Et face à ce qu'a vécu Daniel Defer par rapport à cette maladie, la peur qui était engendrée à l'époque, les craintes, tout ce qu'on en disait aussi, le cancer gay, etc. Et puis aussi le désert social, un peu médical aussi, parce qu'à l'époque on n'avait pas grand-chose. Il a décidé en 84 de créer une structure qu'il a appelée Aide, qui avait pour mission de venir en aide aux personnes qui étaient contaminées par ce virus, de leur apporter un soutien moral déjà, un soutien social, parce qu'il n'y avait aucune prise en charge sociale, et de les accompagner dans leur quotidien. Voilà, sur Saint-Étienne, Aide a été créée en septembre 89, et moi, par une promotion extraordinaire, j'ai été nommé président en janvier 90. Donc le travail, Stéphane est plus énuméré puisqu'il était coordinateur, les tâches, toutes les activités qu'on pouvait faire au sein de Aide. Mais ce qui était important, c'était qu'on puisse accueillir des usagers, des personnes touchées, contaminées, et aussi être entouré de personnes qu'on appelait des personnes bénévoles, qu'on appelait volontaires. C'est pas pour rien que vous appelez volontaire, parce qu'il fallait vraiment un engagement important pour pouvoir travailler auprès de personnes dont on ne connaissait pas trop à l'époque la maladie, dont on savait pas trop comment ça pouvait. Il y a plein de choses qui circulaient sur la contamination et on savait pas trop. Et donc les gens qui devenaient volontaires étaient souvent des gens qui étaient soit des gens qui étaient dans leur entourage une personne qui était touchée, soit des personnes qui étaient elles-mêmes contaminées, soit des personnes qui pensaient être susceptibles de pouvoir être contaminées et qui avaient peut-être besoin d'informations. Je disais peut-être qu'à Aide, je trouverais des informations qui me permettront de ne pas être contaminé. Voilà. Donc on soutient des personnes contaminées, touchées. Tout le travail qu'on a fait après, que va pouvoir expliquer Stéphane, on l'a fait vraiment à partir de ce que nous disaient les usagers. On mettait en place des choses, des services, des actions, en fonction de ce qu'ils nous disaient. On n'invente pas les choses, on n'allait pas dire on va faire ça pour eux. C'est eux qui nous disaient je vis ça, je mange mal, je dors mal, je m'ennuie, je suis avec, bon, un tas de choses comme ça. Et nous, en fonction de ça, on mettait en place des actions qui leur permettaient de retrouver une espèce de vie sociale au sein de l'association. Hein. Des gens qui avaient fait le deuil souvent de beaucoup de choses, le deuil d'une vie familiale, une vie de couple, une vie de salarié, d'une vie familiale, enfin bon, qui a fait vraiment un deuil important. On prenait aussi soin des volontaires, parce que les volontaires étaient souvent un peu épuisés, peinés parce qu'ils vivaient au quotidien avec les usagers. Donc on faisait aussi des week-ends entre volontaires pour se ressourcer un peu, pour que chacun ait un peu la parole, pour qu'il puisse exprimer un peu ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait. Et puis ça nous permettait aussi de réajuster, de dire aussi pourquoi on était là, pourquoi on existait, pourquoi on avait créé Aide, pourquoi on avait mis en place telle ou telle action, notamment des actions aussi de réduction des risques. Et voilà, donc en gros, c'était ça, Aide. Moi, je suis parti du Conseil national, donc c'est vrai que tous les mois, j'étais à Paris et j'avais la chance de rencontrer Aide Aynel Defer. C'est une personne qu'on écoutait. Moi, j'avais la langue qui pendait quand il parlait, parce que c'était quelqu'un de très enrichissant. Il a été suivi après par Arnaud Martin Lavoiselle, qui était un psychiatre parisien, qui, pareil, avait un vécu et des paroles qui nous remontaient aussi. Et c'est vrai que quand je revenais sur Saint-Étienne, donc sur la Loire, sur Loire-Haute-Loire, on avait un comité à Saint-Étienne, un à Puy-en-Velay et un à Roanne. On avait en tout 100 bénévoles dans les années 90. Donc ça avait quand même beaucoup de personnes à gérer. Et le fait de participer à ces comités, ces conseils nationaux mensuels, ça me reboostait. Je revenais avec une énergie assez importante et que je diffusais à tous les volontaires pour qu'on puisse être le plus efficace, le plus proche des personnes, le plus armés pour pouvoir les aider, les entendre, les écouter, les accompagner. Je laisse la parole à Stéphane, parce que c'est vrai que Stéphane est arrivé, enfin, il était venu en tant qu'objecteur de conscience en 1994, et en 1996, quand avec le premier site d'action, on a commencé à avoir un peu plus d'argent, on l'a embauché comme coordinateur, et c'est vrai qu'il a fait un travail fabuleux dans l'association. C'est vrai que on s'est vraiment beaucoup reposé sur lui, parce que toute la partie administrative, il l'a pris en main avec beaucoup de dextérité. Et aussi, avec lui, on a pu mettre en place aussi toutes les, ce qu'on appelait des commissions, mais toutes les activités qu'on a mises en place. Et il va peut-être pouvoir vous les détailler, peut-être apporter d'autres commentaires. Donc moi, je suis arrivé, alors mon engagement, en fait, dans la lutte contre le sida, en fait, il est arrivé un peu en 94, donc c'était un moment où, à une époque où on devait faire son service national militaire, son service militaire qui était obligatoire. N'étant pas réformé et ne voulant pas porter des armes, j'avais choisi donc de prendre mon statut d'objecteur de conscience, qui à l'époque était une possibilité, et la possibilité de faire un service national civil. Donc à cette époque-là, on avait le choix entre des structures associatives, on postulait comme un emploi. C'est un petit peu l'ancêtre du service civil aujourd'hui qui existe. Donc à ce moment-là, moi, c'était un choix personnel. Je suis gay. En 94, quand on avait les amis qui mouraient du sida, qu'on arrivait à l'âge adulte, dans sa sexualité, que le sida était là, c'était un moment qui était fort, en fait. Hein. On avait vraiment besoin de se dire voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je vais pouvoir être utile, je vois des amis qui sont plus là, qui sont contaminés. Donc voilà, c'était vraiment une urgence. 94, c'était avant l'arrivée des thérapies efficaces. Donc on avait voilà, ce besoin d'urgence. Donc moi, ça me semblait assez légitime de m'engager, en tout cas de trouver un poste qui soit en lien avec ce que je souhaitais. Alors j'avais postulé à être de Lyon à l'époque, puisque j'étais à Lyon. Il n'y avait pas de place d'objection de conscience, donc pur hasard, Alain était passé à ce moment-là dans le comité de Lyon et recherchait un objecteur de conscience, et en fait le lien s'est fait de manière naturelle. Mais c'est vrai que moi j'avais aussi une place à l'époque, c'était dans une structure d'hébergement pour les personnes migrantes, mais voilà, j'avais fait le choix de venir quand même à Saint-Étienne pour être à aide. Donc voilà, un engagement qui s'est fait de cette manière. Les objecteurs de conscience, à l'époque, dans les associations de lutte contre le sida, il y avait très peu de salariés encore. Enfin, c'était les tout débuts du salariat dans les associations. Et en fait, les structures avaient des postes d'objecteurs de conscience. Il y en a eu plusieurs qui étaient là déjà avant moi, dont des personnes qui sont devenues médecins, deux médecins. Alors, Rodolphe Charles, je crois que vous connaissez. Et donc, les objecteurs étaient la cheville ouvrière de pas mal d'activités, en tout cas d'accueil, de prévention, etc. Le poste de coordination, moi, il m'a été proposé après mon objection de conscience, puisqu'on ne faisait pas de service national militaire, mais par contre, on nous doublait le temps à passer en service civil. Donc en fait, j'ai fait 24, à l'époque c'était 24 mois au lieu de 12, ce que je regrette pas du tout, mais à la fin de mon objection, le poste de coordination à aide, donc Loire et Haute-Loire, qui était tenu par une autre personne qui arrêtait son poste, donc m'a été proposé, et voilà, j'ai accepté. J'ai plus quitté ce poste-là jusqu'en fin 2020. Enfin, jusqu'en 2020 en tout cas. Donc voilà, c'est une longue période de ma vie et de ma carrière professionnelle, et militante et bénévole, puisque dans les associations, de toute façon, on est rarement que salarié. Et moi, je tenais aussi vraiment à avoir un rôle de bénévole et un rôle de militant au sein de la structure. En parallèle, pour resituer un petit peu, il y a peut-être deux choses qui sont importantes pour moi et puis pour mon activité. J'ai fait un mandat de 7 ans à SIDAction, au comité associatif de SIDAction, donc pour défendre les projets des associations qui étaient déposés pour avoir des financements de SIDAction. Donc ce mandat de 7 ans, c'était très enrichissant. J'ai défendu des projets qui venaient de la France entière, des départements d'outre-mer aussi. Donc ce mandat à SIDAction aussi un moment fort. Et puis dernièrement, peut-être sur les dernières années, donc j'ai été membre du CORREVI, la coordination régionale VIH, dont Anne Frézard, donc qui est présente là, mais qui interviendra demain, en parlera davantage. Mais en tout cas, ça a été aussi un moment important, plutôt sur les dernières années de mon action sur Aide Loire et Haute-Loire, puis Actis, mais ça, c'est peut-être, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors les activités des associations de lutte contre le sida à l'époque, ça se décompose en deux grandes thématiques. C'est soit le soutien et l'accompagnement des personnes touchées et de leurs proches. Alors, personnes touchées, on a des personnes qui, en tout cas, découvraient leur séropositivité ou qui connaissaient déjà leur statut sérologique. Et ça a pris plein d'actions, on va dire, différentes. Alors, sur les années difficiles de la lutte contre le sida jusqu'à l'arrivée des trithérapies, encore après, c'est pas l'arrivée des thérapies qui a fait que les choses ont changé et que ça a pris aussi un certain nombre d'années. On a fait beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement en fin de vie. puisqu'à l'époque, il faut bien avoir en tête que les décès étaient très fréquents. Hein. Donc, ça faisait partie vraiment de notre quotidien, du quotidien des associations de lutte contre le sida, qu'elles soient dans n'importe quelle région. Donc, l'accompagnement en fin de vie, on avait mis en place des liens forts avec les services hospitaliers. Il y avait notamment des permanences hospitalières de bénévoles, de volontaires qui allaient à l'hôpital aussi pour être présents s'il y avait des questions un petit peu liées à l'accompagnement ou aux informations sociales ou en tout cas qui avaient simplement juste besoin de parler. Donc ça a été aussi des moments mis en place. Alors ça, c'est un dispositif qui avait été développé dans bon nombre de régions en France. C'était un dispositif d'aide à domicile qui était spécifique aux personnes atteintes par le VIH, qu'on appelait à l'époque le PAD, Programme d'aide à domicile. Il a été développé donc sur la Loire et sur la Haute-Loire. Un dispositif qui était vraiment unique à l'époque, puisque c'était des aides à domicile qui travaillaient dans des services qui existaient, hein, des associations, on va les citer peut-être quelques-unes, type ADMR, AIMV, Croix-Rouge Domicile, etc., avec des aides à domicile qui étaient volontaires pour participer, ça c'est important, qui étaient volontaires pour intervenir chez les personnes malades. Ça pouvait être n'importe où sur le département de la Loire et de la Haute-Loire. Et ces aides à domicile, elles étaient formées spécifiquement. Hein, donc elles avaient une formation qui était... alors c'était aide-formation à l'époque. Il y avait une structure qui s'appelait aide-formation et qui formait en fait les personnels. Donc il y avait des intervenants associatifs, des intervenants médicaux pour que ces personnes puissent être là, être présentes au domicile. On disait à l'époque, enfin entre guillemets, hein, aide ménagère, mais en tout cas c'était des activités de soutien et d'accompagnement qui étaient très très importants à ce moment-là, alors que les personnes avaient du mal à rester à domicile. Ça permettait justement un accompagnement un peu complet. Il y avait des séances de soutien psychologique et de régulation aussi avec la coordinatrice qui s'occupait de ce dispositif. Et c'était des prestations qui étaient allouées par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc on avait un volume d'heures à faire bénéficier les personnes concernées dans ce dispositif d'aide à domicile. Il a perduré le temps que les thérapies soit plus efficace, qu'il y ait moins de besoins en termes d'accompagnement et que la situation des personnes s'améliore. Mais en tout cas, on a pu le maintenir jusqu'à ce que les pouvoirs publics décident que ce dispositif n'avait plus lieu d'être. Donc un moment qui était, en tout cas un système d'aide à domicile qui était pertinent et qui a aussi eu vraiment son efficacité, son utilité. Dans tout ce qui est accompagnement, donc l'association a toujours maintenu un fonds de solidarité. On avait des financements publics, hein, donc évidemment on n'est pas une structure qui redistribue de l'argent. Donc en fait il fallait mener des actions de collecte de fonds, essayer d'avoir des manifestations, de l'organisation d'événements qui permettent d'alimenter ce fonds de solidarité pour permettre d'aider financièrement les personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient souvent aux minima sociaux à ce moment-là, puisque les personnes ne travaillaient plus. Donc ce fonds de solidarité, jusqu'à la fin de l'association, c'était vraiment un outil qui nous permettait d'être présents et puis de proposer des aides financières aux personnes qui le souhaitaient, bon, évidemment avec des critères, des urgences plus que d'autres, mais en tout cas quelque chose qu'on a toujours maintenu sur l'ensemble de la vie de l'association. Alors, avec l'arrivée ensuite des thérapies, les choses sont un petit peu déplacées. On a travaillé plus sur des questions de qualité de vie. On a mis en place voilà, des actions autour de la nutrition. Il y avait de l'art-thérapie, il y avait des séances psychologiques, sexualité et vie affective pour les personnes qui reprenaient vie et qui avaient besoin justement de pouvoir discuter de ces questions-là. Des séances de massage, relaxation, qu'on a aussi maintenues jusqu'à la fin de l'association. Et tout ça grâce à des financements de SIDAction, puisque à l'arrivée en fait, et de besoins moins prégnants autour du soutien et de l'accompagnement, les pouvoirs publics ont petit à petit supprimer les financements sur tout ce qui était ces thématiques-là de soutien et d'accompagnement, puisqu'ils disaient qu'avec les thérapies efficaces, il y avait moins besoin. Ce qui, nous, était un petit peu difficile à entendre, parce que nous, les besoins, ils étaient encore là. Et grâce au financement de SIDAction qui ont pu perdurer, on a pu aussi continuer à proposer ces activités-là aux personnes qui en avaient besoin. Ce moment-là d'arriver des trithérapies a été un moment qui a aussi assez bouleversé l'association. Bon, de mon côté pour les usagers bien sûr, mais du côté des volontaires, ça a modifié beaucoup de choses. Les gens qui étaient habitués, enfin qui étaient engagés dans l'accompagnement à la fin de vie, ne se reconnaissaient plus dans l'accompagnement à la vie. Ce qu'on appelait le deuil du deuil en psycho. Les gens, d'un coup, qui avaient renoncé à... qui avaient fait le deuil de plein de choses, eh ben on leur disait non, vous allez pouvoir revivre, peut-être être de retour en bonne santé, peut-être vivre, travailler, rencontrer quelqu'un, avoir une vie amoureuse, une vie familiale. Et les gens, mais ils y croyaient pas, c'était loin de leur imaginaire. Et cet accompagnement était quelque chose de très compliqué pour les volontaires. Et il y a beaucoup de volontaires à ce moment-là qui sont partis. Comme à l'hôpital aussi d'ailleurs, enfin, Anne pourra en parler, mais je pense que il y a aussi beaucoup à ce moment-là d'infirmières et d'aides-soignantes qui sont partis du pavillon 1 bis. Et on les retrouvait aux soins palliatifs, aux urgences, enfin, dans les services, parce qu'ils n'étaient plus dans les mêmes... dans le même fonctionnement. Et pour nos volontaires, ça a été vraiment compliqué. Il y en a beaucoup qui sont partis d'ailleurs, d'accompagner la vie. Je rajoute juste sur l'accompagnement. En fait, pendant quasiment toute la vie de l'association, en fait, il y a eu un repas hebdomadaire qui regroupait en fait toutes les personnes qui le souhaitaient, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment cimenté l'association, parce que c'était autant pour les personnes concernées, les bénévoles, les volontaires, l'équipe salariée. Et en fait, les 30 ans de l'association, c'était un repas hebdomadaire qui avait toujours été organisé, dont on a toujours essayé de maintenir le cap, qui était doublé des fois de soirées, pour que les personnes qui ne pouvaient pas venir en semaine viennent soit une fois en soirée ou le week-end. Puisque... Et là, c'est pareil, l'organisation de ces repas hebdomadaires, c'est pas nous qui avons décidé comme ça, c'est parce qu'on écoutait que certaines personnes ne mangeaient pas tous les jours, ils n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir manger tous les jours. Donc on s'est dit, on va au moins faire un repas hebdomadaire. Et en fin de compte, on s'est rendu compte pendant ces repas hebdomadaires, ils se parlaient entre eux et ils discutaient entre eux. Combien t'as tes quatre, combien t'as... Voilà. Et nous, on écoutait. Donc du coup, on entendait des choses parfois un peu qu'ils ne disaient pas forcément. Donc après, on pouvait, avec eux, les reprendre lors d'entretien, les reprendre ce qu'on avait entendu. J'ai entendu pendant le repas que tu disais ça, est-ce que tu veux qu'on en parle, machin, là. C'était intéressant pour nous parce que ça nous permettait d'entendre des choses qu'on n'avait pas entendues autrement. Mais ça venait d'une demande des usagers. C'est pas nous qui avons inventé le repas hebdomadaire. Et enfin, sur peut-être une dernière partie sur cet accompagnement où justement on a essayé de mettre en place des permanences d'accompagnement au retour à l'emploi. Alors, c'était pas forcément facile, pas forcément simple, mais en tout cas, on avait tissé des liens avec des structures pour pouvoir aider les personnes qui souhaitaient avoir un retour à l'emploi. Donc de pouvoir venir rencontrer quelqu'un qui était spécialisé sur ces questions-là. Donc voilà, ça balaye un petit peu tout le champ autour du soutien de l'accompagnement. Bon voilà, c'est un petit peu rapide, hein, on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais ensuite, l'autre... c'est vrai qu'on n'a peut-être pas dit que Aide et ensuite Actis, en fait, on était une association généraliste. On n'a pas été une association qui s'est spécialisée dans tel ou tel. On essayait de couvrir un petit peu tous les champs de ce qui pouvait être utile localement pour les interventions. Donc une association qui faisait autant du soutien, de l'accompagnement, de la prévention, de la réduction des risques auprès des personnes toxicomanes. Alors, je dis toxicomane, hein, mais parce qu'à l'époque, on faisait de la prévention auprès des toxicomanes. C'était comme ça que c'était identifié, comme on faisait de la prévention gay. C'est venu après où on a pris les termes plus adaptés à chaque époque de la prévention LGBTI. Mais à l'époque, on parlait vraiment de prévention gay, puisque les actions en prévention se déroulaient vers le public gay ciblé essentiellement. Voilà, donc association généraliste, donc on essayait de couvrir un peu tous les champs. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas abordé la question de pourquoi Aide et un moment Actis. Je peux peut-être faire un petit moment là-dessus. Et puis Alain aussi pourra rajouter. Mais Aide Loire et Haute-Loire a été créé en 1989. Jusqu'en 1999, où l'association a quitté le réseau Aide pour devenir Actis, puisque à l'époque, le réseau Aide était constitué d'associations indépendantes et qui, en fait, étaient labellisées par une fédération nationale Aide. Donc, ce moment-là, ça a été en 1999. Et de 1999 à 2020, donc, l'association s'est appelée Actis, mais en tout cas, c'était les mêmes personnes, ou quasiment les mêmes personnes, et c'était la même structure associative de départ qui avait été créée en 1989. C'est pas une autre association, c'est juste l'association qui a changé de nom et a quitté le réseau Aide. Tu peux peut-être en dire deux mots. Tout simplement parce que la fédération, avec Actis d'Action, on a quand même eu pas mal de moyens. Notamment, nous, on a pu avoir des locaux super sympas, rue Gambetta. On était les premiers locaux en France qui étaient sur la rue, parce que la volonté de... notamment du président national, Arnaud Martel-Vezet, c'était que le sida soit visible, qu'on ne soit pas caché dans des étages, donc qu'on soit dans la rue, qu'il y ait une visibilité, des affiches. Donc on a été le premier comité de France à être sur une rue, et la grande rue à Saint-Étienne, on ne peut pas faire mieux. Et eux, Paris, ils ont été s'installer dans un château Landon, avec du personnel, en veux-tu, en voilà. Mais bon, après, les fonds se sont un peu réduits. Et le président de ce moment-là, qui n'a pas le charisme des deux précédents, a demandé à ce qu'on paye une franchise. Il fallait qu'on paye 115 000 francs à l'époque. J'avais beau leur expliquer que les subventions qu'on touchait étaient toutes fléchées, c'est-à-dire qu'elles étaient attribuées à telle action, à telle chose... Et c'était beaucoup, 115 000 francs. Et on peut pas arrêter les activités pour donner de l'argent à la fédération, pour qu'elle se porte bien. Donc, on n'était pas les seuls. Je crois que les premiers, c'était la Guyane, la Guadeloupe, tout comme ça, ou la Martinique. Et après, il y a eu 5-6 comités qui ont quitté aussi le réseau Aide. Voilà, c'est sûr que j'étais montré du doigt, bien sûr, au Conseil national. C'était pas gentil, mais tant pis. Et on a quitté le réseau Aide. C'était dommage parce que la fédération, c'était quand même porteur. On partageait entre nous, on échangeait des choses. Moi, c'est vrai, je vous dis, je revenais avec plein d'idées, plein de choses. Et là, bon, on se retrouvait un peu seul quand même à gérer notre structure. Mais bon, on y arrivait quand même. Après, c'était un choix, mais qui à l'époque avait été validé à quasi unanimité des membres de l'association, en fait, de quitter. C'était vraiment une décision choisie et quasiment unanime de quitter le réseau Aide. Alors. Oui, avec des avantages, puisqu'on gardait un petit peu notre indépendance d'action, on gardait un petit peu le fait qu'aussi la militance associative restait locale et que bon, c'était aussi un choix qui avait été fait. Alors oui, on perdait peut-être, c'est sûr, on perdait peut-être un soutien national, des liens peut-être avec un réseau national, mais en fait, ça ne nous a jamais handicapés de travailler avec les collègues qui étaient avec qui on travaillait régulièrement, que ce soit Aide à Clermont ou Aide à Lyon. En fait, finalement, ça ne nous a jamais empêchés de bosser ensemble. Donc ça, c'est aussi gage que en fait c'était une simple question d'organisation. Et puis mine de rien, on a pu, alors qu'après Aide a mené ses propres, était une structure unique, a obtenu ses propres fonds, ses propres collectes de fonds, etc. De notre côté, on a pu aussi maintenir et conserver nos subventions de sites d'action. Donc ça a été aussi important pour nous, puisque ça nous a permis de continuer tout en ayant des fonds de sites d'action. Alors sites d'action, vous connaissez sûrement, hein, puisque c'est l'association de collecte de fonds nationale qui organise les grands événements au printemps chaque année. Ensuite, si je reviens sur les activités qui avaient été développées, donc il y a le deuxième grand axe, donc c'est tout ce qui était prévention, réduction des risques. Alors, association généraliste, à l'époque, on était un peu sollicité par tout le monde. Hein. C'était nous, on ciblait les actions où il y avait des besoins importants, c'est-à-dire sur la question de la prévention gay. Donc ça pouvait être des actions sur les lieux de rencontre. Hein. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. Donc les gens se rencontraient sur des lieux de rencontre extérieurs essentiellement. Donc on intervenait sur ces lieux-là avec un véhicule, avec des bénévoles formés. On faisait aussi appel à des vacataires parfois, donc sur certaines de ces actions. On travaillait avec les établissements commerciaux, bars, saunas. Donc, qui étaient aussi les saunas des lieux de rencontre. Donc, on intervenait auprès de ces établissements. À Saint-Étienne, il n'y a jamais eu un nombre hyper important, hein, d'établissements. Ça se tournait autour de 2-3 saunas à certaines époques, ou peut-être 3 bars au maximum, à un moment donné. Donc, c'était des interventions de prévention. Prévention classique, hein. On parlait à l'époque ce qu'on a abordé ce matin, les questions de PrEP, de TAS, etc. On était vraiment sur de la prévention basique, c'est la capote. Donc en fait, c'était des interventions, ciblées auprès des personnes. Ensuite, comme association généraliste, on était beaucoup sollicité aussi par les établissements scolaires, par les structures type maisons familiales et rurales, en tout cas toutes les structures qui étaient en CMP, qui étaient en accompagnement de public jeune, puisqu'à l'époque, en fait, l'information devait aussi se faire et se développer vers tous les publics. Donc en fait, pendant très longtemps, il y a eu ça fonctionnait essentiellement sur le bénévolat, donc des volontaires qui étaient formés pour intervenir auprès des publics jeunes. Donc dans des classes. Alors c'était pas toujours facile à cette époque-là. Ça se passait en général pas trop mal. Parfois c'était un peu chaud, mais c'était sympa. Oui, la formation auprès des structures professionnelles. Comment ça s'appelle, c'est la formation pour adultes, là, auprès des aides à domicile, qui pouvaient, dans leur parcours de vie, peut-être rencontrer aussi, sans passer par nous, rencontrer des personnes qui étaient contaminées. Donc c'était intéressant de les former, de les informer, de les former. et c'était un très bon public, très captif. Formation aussi de, aux écoles d'infirmières, aussi à l'école d'infirmières. Les différentes, Coin Rouge, ici, hôpital. J'ai intervenu dans plusieurs années de suite dans ces lieux-là. Oui, c'était les formations oui, professionnelles, ouais, autour de la santé, du social, ouais, en général. Ouais. Pour cette formation, j'étais intervenu aussi au Puy-en-Velay auprès de médecins aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire d'autre ? Alors, la prévention auprès des personnes toxicomanes, à l'époque, c'était uniquement, voilà, il n'y avait pas tout le panel qu'on peut, de réduction des risques qu'on peut proposer aujourd'hui. Hein. Il y avait uniquement le Steribox, qui était proposé donc, gratuitement dans les associations. Alors, il y avait l'association Rimbaud, hein, qui était l'association spécialisée à Saint-Étienne depuis, qui doit avoir 35 ou 40 ans. Donc, qui existe depuis très longtemps. Et à l'époque, nous, on distribuait uniquement les Steribox et on récupérait le matériel usagé. Alors, ça a été voilà, des activités aussi importantes au sein de l'association qui ont souvent fait discussion, débat. Hein, voilà, c'était jamais simple. Et puis, alors, c'était moins bien organisé que ce que c'était maintenant. Voilà, on récupérait, nous, nos Steribox à la pharmacie du coin, dans des grandes caisses qu'on transportait. Voilà, sur la grande rue, on récupérait du matériel usagé. On nous manquait beaucoup de récupérateurs de seringues usagées. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu plus rock'n'roll que la manière dont voilà, les choses se sont organisées par la suite. Mais c'était important, en tout cas, de le faire. On l'a toujours fait. Et sur les dernières années, on était aussi vraiment le deuxième point d'accueil des personnes usagères de drogue et de réduction des risques au même titre que l'association Rimbaud, puisqu'on avait à peu près le même type de matériel qui était proposé par Actis sur les dernières années. Ouais. Il faut savoir qu'en 1995, quand on s'est installé rue Gambetta, donc sur la rue, il paraît qu'il y a eu une pétition. Ils ne nous voulaient pas. On allait attirer du mauvais monde dans le quartier. C'est pour vous dire un peu l'image que ça pouvait renvoyer. Juste un exemple, on était en réunion dans la salle derrière, c'était l'été, la fenêtre était ouverte, on était une trentaine de personnes dans la salle, et il y a un jeune qui vient dans la fenêtre qui me demande une seringue. Et moi, de mon poste de président, je hèle une personne qui est vers la porte, je lui dis « amène-moi une seringue ». Et puis je donne la seringue. Et puis je vois dans le premier rang trois femmes qui étaient en âge, trois volontaires, qui étaient en âge d'être les mamans de ce jeune homme, qui faisait une drôle de tête. Donc là, il a fallu reprendre avec elles notre rôle de prévention et de réduction des risques, qu'elles ont compris. Mais enfin, c'était un peu compliqué pour elles. Puis c'est vrai que moi, j'ai fait ça tellement naturellement que ça je redonnais un paquet de gâteaux, ça aurait été pareil. Donc elles ont été un peu sidérées, quoi. Et du coup, il a fallu réajuster le truc. Mais bon, ça a pu se faire et il n'y a pas eu de problème, quoi. Voilà, sur les actions de prévention qui pouvaient être menées par l'association. Il y a peut-être quelques points aussi qui sont importants à redire, qu'on n'a pas abordé. C'était la question des actions en milieu carcéral. Puisque oui, l'association a eu longtemps une permanence à la maison d'arrêt de la Talaudière pour les personnes séropositives qui étaient incarcérées. Et après, une action un peu plus vaste qui était au centre de détention de Rouen quand il a été créé et puis qui continuait à la maison d'arrêt de la Talaudière. Mais là où on était autant sur un axe prévention que sur un axe voilà, soutien qui était peut-être moins présent. Mais je sais que tu as fait des interventions. J'étais visiteur spécialisé. J'avais une carte de visiteur spécialisé pour la maison d'arrêt, mais je n'ai pas vu tous ces séropositifs. Hein. Il n'y en avait pas. Donc je voyais des gens. Bon, bah, c'est plus de soutien moral que de la prévention. Mais bon, je mettais un pied dans la prison. C'était intéressant. mais c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi on m'a jamais adressé une personne séropositive. Et la dernière, c'était les... Alors, ça, c'était plus récent, puisque l'accompagnement, en tout cas, et la prévention auprès des personnes migrantes. Donc ça s'est mis en place, en fait, petit à petit. Alors, il ne suffit pas de dire qu'on est une association de lutte contre le VIH hein, pour que les personnes viennent. Hein. Donc, il faut user de stratégies pour essayer de toucher les personnes que l'on veut toucher. Donc, sur les personnes migrantes, il y avait en fait un axe. C'est-à-dire qu'on avait monté avec des partenaires associatifs ou des personnes qui étaient en tout cas impliquées dans les réseaux d'accompagnement des migrants, permanence d'accès aux droits, qui était une permanence où on accueillait les migrants au sens large pour leur accès aux droits. Et nous, ça nous permettait ensuite de pouvoir donner une information, de faire de la prévention, etc. Donc c'était une porte d'entrée qui était plutôt l'accès aux droits. Et nous, après, faire en tout cas de l'information, de la prévention santé. Et le deuxième axe qui nous a permis d'accueillir les personnes migrantes, c'était des volontaires bénévoles qui ont fait pendant pas mal d'années des cours de FLE, de français langue étrangère, en fait. C'était deux fois par semaine, il y avait ces cours de FLE dans les locaux de l'association qui permettaient ensuite de faire de la prévention et puis qui a permis, ça c'est sur les dernières années de l'association, on y viendra après, de proposer un dépistage puisque petit à petit, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les associations sont devenues aussi des acteurs de dépistage du VIH, du VHC, de l'hépatite C, plus récemment même du VHB et des IST, mais ça c'est plus nos collègues de l'ENIPS qui pourront en parler demain sur les activités aujourd'hui. Voilà. On a aussi réussi à mettre en place un groupe de parole qui a duré 6 mois, c'était génial, c'était vachement intéressant. On a eu un article dans le journal du SIDA, on était un des rares lieux où avoir réussi à mettre en place un groupe de parole. C'est assez compliqué à mettre en place, il faut avoir des demandes simultanées et c'est pas toujours possible. Donc là, on a bien apprécié ce groupe qui marchait très bien. Voilà, donc la question du dépistage, donc en fait... donc les tests rapides d'orientation diagnostique qui ont été mis en place, alors je n'ai plus la date exacte en tête, mais ça doit être à partir de 2012-2013. Alors c'est pas forcément, mais en fait Saint-Étienne a été la première ou une des toutes premières villes à mettre en place ces tests rapides à destination des personnes. Alors c'était ciblé hein, pour les personnes HSH, mais en tout cas Saint-Étienne a été la première ville en France à proposer les tests rapides. C'était dans le cadre d'une recherche. Avec le CEGID de Saint-Étienne, le centre de dépistage. C'était un financement de SIDAction et ça a permis donc de proposer ces tests au public cible. Et c'est voilà, à Saint-Étienne que les premiers essais ont été proposés. Après, ça s'est développé très rapidement en fait, par tout le tissu associatif en France. Donc voilà, c'est quelque chose. Donc à l'époque, c'était Michel Kolls hein, qui était le président de l'association qui avait mené ça avec le docteur Claire Guglielminotti du CEGID de Saint-Étienne. Donc ça, c'est quand même une fierté de ce travail qui avait été réalisé à l'époque et en tout cas de la mise en place de ces TROD, de ce protocole de recherche, voilà, qui avait été financé par SIDAction. Donc ça, c'était un gros changement dans l'association, hein, puisque avant, on ne proposait pas de dépistage au sein de l'association, où on travaillait avec le centre de dépistage qui pouvait éventuellement voilà, venir dans nos locaux pour proposer. Mais là, nous sommes devenus acteurs de dépistage, donc les personnes ont reçu des formations évidemment adéquates, plus les possibilités d'annoncer des séropositivités aux des personnes qu'on accompagnait, devait séropositivité être confirmée par la suite. Mais en tout cas, c'est un changement hyper important dans le cadre de nos activités. Je pense qu'on a on a pu après donc proposer ces dépistages aux personnes migrantes qui venaient dans nos locaux pour les cours FLE. On a pu proposer ce dépistage aux associations LGBT qui venaient, à qui on prêtait nos salles pour qu'elles puissent mener leurs activités. Ça a été vraiment un atout pour développer le dépistage et quelque chose qui était très enrichissant autant pour l'équipe que pour les personnes à qui ce dépistage associatif pouvait être une nouveauté qui les intéressait. Donc on a mené grâce à ces actions avec le Cégide des périodes de proposition de dépistage auprès de partenaires. On appelait ça les semaines flash test, où on se déplaçait avec les équipes du Cégide un petit peu partout dans des structures de formation. Je ne sais pas, ça pouvait être du dépistage qu'on proposait à la mission locale, dans des saunas. Ça pouvait être également dans des établissements de nuit, Donc en fait, on a ce dépistage a vraiment permis le développement de l'accès au dépistage et ça a permis aussi à des personnes de connaître leur statut sérologique et de pouvoir être suivies et traitées ensuite par les personnes du CHU. C'est un petit peu un catalogue quoi des activités, mais c'est pour essayer de faire un tour d'horizon de tout ce qui était proposé par l'association. Bon, il y a tout ce qui était événementiel, évidemment. Il y avait deux grands événements dans l'année dans la lutte contre le sida, c'est la journée mondiale le 1er décembre, plus le SIDAction au printemps. SIDAction où on faisait de la collecte, on bénéficiait des fonds de SIDAction, donc c'était aussi important pour nous de mener des actions de collecte au moment du SIDAction. On mettait un gros dispositif puisque on faisait pendant tout un week-end des tournées vraiment dans tous les bars de la ville. Enfin voilà, on pouvait, c'était difficile de nous manquer, mais c'est des choses qui étaient, c'était deux gros événements dans l'année. Rajouter peut-être avec nos collègues de Radio Duo qui avaient une émission qui s'appelait Sida en tête, qui a duré pendant des années. Donc là où on invitait les personnes de l'association qui avaient éventuellement des propositions, de l'actualité, en tout cas, ou des témoignages. Donc ça permettait, ça a duré, je pense, peut-être une vingtaine d'années, cette émission Sida en tête. Elle a eu diverses formules, c'était toutes les semaines, après tous les mois, enfin bon, voilà. Quelque chose qui est important à citer. Ça ne se sait pas forcément, mais à un moment donné, SIDA Info Service, qui est le numéro d'appel, numéro de renseignement ou de soutien de SIDA Info Service, en fait, sur les premières années de l'association, il y avait un décrochage en fait, de 19h à 23h. Le SIDA Info Service basculait en fait, dans les comités de aide. Voilà. 92, j'ai nous, je crois. Ouais. 92. Et donc, en fait, c'est SIDA Info Service, la tranche de 19h à 23h était tenue par des bénévoles volontaires formés de l'association. C'était une organisation différente, c'était autre chose. Mais en tout cas, SIDA Info Service, à l'époque, on n'avait pas, je rappelle qu'il n'y avait pas. Pas Internet, en tout cas, de manière... Donc, le téléphone était le moyen de se renseigner et puis de pouvoir parler. Donc, d'où l'importance de ce numéro à ce moment-là et par la suite. Oui, je me permets de rebondir. Je vais essayer de faire appel à vos souvenirs stéphanois. Vous indiquez que la date de 1989 comme étant la date de création de AIDE. Oui, septembre 89. Et ensuite, tout le déploiement des activités que vous nous présentez, qui s'est progressivement structuré et déployé. Mais avant 1989, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était dans un état de désorganisation générale? Où allaient les malades? Vers qui? Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque? Pas du tout, parce que En fait, moi, j'ai été voir Aide en fin 89 parce que j'avais un collègue qui était mort du sida, dans des souffrances affreuses, et je ne comprenais pas trop. Je ne savais pas trop, j'avais besoin d'explications. Et j'ai mis un pied à Aide. Et ils m'ont donné des explications, et puis après, ben, j'ai pas mis que le pied, quoi. Mais avant, je ne connaissais pas. Enfin, le sida, j'en entendais parler, mais. Alors peut-être que j'étais à un âge où je n'étais pas en capacité de prendre conscience de ce que c'était réellement. Non, je ne sais pas, il y avait rien. Enfin, pour moi, il n'y avait rien. Mais de ce que les usagers ont pu vous raconter par la suite, est-ce qu'ils se débrouillaient finalement sans aide ? Oui, comme je suis arrivé en 94, je ne peux pas trop dire comment ça pouvait se passer avant. Mais il y avait. Alors, c'est vrai qu'il faut préciser que les associations en général, elles peuvent répondre à des besoins des personnes, mais on n'a pas vocation à répondre à tout le monde, puisqu'il y avait des personnes qui avaient besoin de l'association pour plein de raisons, pour des questions de précarité, d'isolement, de discrimination. Mais il y a des personnes qui aussi avaient suffisamment... Bon, à l'époque, c'était plus difficile, mais qui avaient peut-être réussi à maintenir un entourage familial, personnel, amical suffisant. On ne s'est jamais, nous, adressé qu'à une partie des personnes séropositives, puisque il y a des personnes qui n'avaient pas spécialement besoin des associations ou pas envie non plus. Alors pour les premières années d'être étiquetées, hein, puisque c'était pas non plus facile de pousser la porte d'une association en étant séropositif en 1989. Récemment, hein, c'est pas forcément plus facile pour les personnes d'aller voir les structures, mais en tout cas. Il y avait ces besoins et on répondait, nous, oui, à un certain type de profil, ou alors, comme tu disais, Alain, là à midi, peut-être que les personnes qui avaient suffisamment d'entourage, qui avaient réussi à garder une activité professionnelle, bah, elles s'engageaient plus sur le volontariat ou le bénévolat. Voilà. Mais en tout cas, avant 89, à Saint-Étienne, qu'est-ce qui se passait, ça, Parce qu'on a perdu, aussi dans les années 90, bon, on a perdu bien sûr beaucoup d'usagers, mais aussi beaucoup de bénévoles, de volontaires, qui s'étaient engagés et qui étaient malades, et qu'on a vu partir au fil du temps. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'ampleur de l'épidémie à Saint-Étienne et, enfin, dans ces années fin années 80, début 90, au moment où vous arrivez, ça ressemblait à quoi l'épidémie ici ? Ça touchait qui ? Ça touchait essentiellement des jeunes garçons. Il y avait quelques filles, mais très peu. Mais surtout des jeunes garçons. Trentaine d'années. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mon conjoint en 94. Des gens qui avaient 30 ans. Des gens que l'on voyait se dégrader au fil du temps. Moi, je me souviens d'un ami que je suivais, on allait à la sauce, et un garçon qui était superbe, mais qui était tout voûté, qui traînait les pieds. J'ai envie de mettre un coup de pied derrière, de me dire, mais tiens-toi droit, marche comme il faut. Ça m'agaçait de le voir dans cet état. Ça me mettait hors de moi. Et bon, il est parti... comme beaucoup d'autres. Et c'était notre quotidien. Moi, dans les années 90, j'allais au moins deux fois par mois à l'église. Ce n'est pas vraiment mon lieu de fréquentation habituelle, mais j'y allais pour accompagner quelqu'un qui était parti. Quelqu'un qui était un usager ou un bénévole. Oui, on était quand même sur une épidémie à Saint-Étienne. Une pandémie qui était quand même auprès des hommes gays. Les personnes migrantes concernées, ça est arrivé beaucoup plus tard. Enfin, en tout cas, de ce que je me souvienne. Par contre, sur les premières années, quand même beaucoup de personnes qui avaient été contaminées par seringues usagées. Ouais. Donc voilà, c'était, je pense, les deux principaux publics en fait qui étaient là, c'était les hommes HSH gays et puis les personnes toxicomanes qui avaient été contaminées par échange de sang. C'est vrai que ceux qui venaient chez nous, c'était ceux qui étaient socialement défavorisés, hein. Ceux qui avaient un travail, ceux qui étaient soutenus par leur famille ou par un compagnon ou par un... Ils venaient pas chez nous. Et justement, il y a eu de grosses mobilisations sur Saint-Étienne, des manifestations type ACT UP ou des marches des fiertés, des choses comme ça dans notre région. Il y a eu des événements. On avait fait notamment une année, une opération qu'on appelait l'opération Écharpe Rouge. Ça a été mené par un de nos compagnons, là, bénévoles. En fait, on avait fait... Il avait eu l'idée de faire tricoter par toutes les EHPAD, les maisons de retraite, les trucs, des morceaux d'écharpe rouge, des carrés, et on avait tout cousu. Ça faisait combien de mètres, je ne sais plus combien de mètres. En fait, les pompiers étaient venus, c'était un samedi après-midi, Anne, vous y étiez, un samedi après-midi, ils étaient venus avec leur gros rouleau là, pour les tuyaux, là. Ils ont enroulé l'écharpe et en fait les gens de la ville partaient avec l'écharpe et sur la place de l'hôtel de ville, on avait fait tout un espèce de circuit comme ça. C'était un événement. On a eu comme ça des événements qu'on a fait pour récolter un peu d'argent et puis aussi pour rendre visible aussi l'épidémie VIH. Alors c'est sûr que c'était quand même une grosse organisation, c'est du boulot, on n'était pas toujours très disponible pour faire tout ça, mais ça arrivait qu'on fasse des événements. L'écharpe rouge, ça a été un truc, c'est même passé à la télé, sur la télé régionale, FR3. On voyait les mémés dans les salons de coiffure en train de tricoter leur écharpe rouge, toutes contentes, elles participaient à l'événement, quoi. Elles savaient pourquoi elles faisaient ça. Mais en tout cas, sur les prides à Saint-Étienne, elles sont toutes récentes, hein, puisque là, je crois qu'on doit être à la troisième, si je ne me trompe pas, Fabien, peut-être la troisième édition qui a eu lieu l'année en 2024. Donc en fait, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de pride à Saint-Étienne, mais voilà, il fallait aller à Lyon pour avoir une marche LGBT. Alors pourquoi ? Alors, je sais pas, il faudrait demander aux associations LGBT de Saint-Étienne pourquoi il n'y avait pas eu de Pride, mais... C'est rare qu'il y ait des Pride, des marches de fierté, on dit maintenant du Pride, marches de fierté, c'est rare qu'on ait ça dans une petite ville. Hein. En plus, Paris, Lyon, il y a quand même une population gay importante. Sur Saint-Étienne, je pense pas qu'elle soit, elle est importante, mais je pense pas qu'elle soit si importante que ça pour défiler dans la rue et revendiquer des droits. Ils ont le courage de le faire maintenant, il y a 3 ans, c'est bien, c'est super, c'est pourquoi pas, hein, c'est bien. Mais dans les années 90, je pense pas que ça aurait été bien accepté et par la ville, la municipalité et par peut-être les gens qui étaient gays et qui ne voulaient pas forcément défiler dans la rue en disant « je suis gay ». Quoi. Alors, moi, je ne sais pas. En fait, c'est plutôt l'histoire LGBT locale qui a fait que voilà, il n'y ait pas eu de marge des fiertés. Parce que, alors, c'est la question, en fait, à Saint-Étienne, il n'y a pas de centre LGBTI, comme il peut y en exister dans plein de villes. Il y a eu plein d'associations, de structures qui se sont mobilisées pour ces questions-là, parce que, par exemple, nous, Actis, on essayait en tout cas d'être moteur pour aider les associations à se mobiliser et à se monter. On a été à l'origine avec deux autres structures du festival de cinéma LGBT Face à Face, donc à Saint-Étienne. Donc c'était à l'époque avec le centre socioculturel Boris Vian et Unicité, avant que l'association puisse prendre son envol elle-même. Et voilà, faire ces... Après, on a fait aussi Autrement Gay, voilà. Le festival Autrement Gay qui a marché pendant 5-6 ans. 5-6 ans, oui. Où on invitait, justement, l'idée, c'est de faire un festival culturel où on invitait des cinéastes, des auteurs de bouquins, des artistes peintres, des performeurs, des danseurs, enfin des gens pour montrer la culture et la culture gay aux Stéphanois, et ça a beaucoup de succès. Ça marchait bien. Ça faisait au mois de juin en général. Bon, ça s'est arrêté parce qu'on est tous partis. En fait, ils se sont retrouvés plus que deux. Donc, on a tous quitté Saint-Étienne. Donc, ça s'est arrêté de fait. Mais bon. Alors, Actis, finalement, a fait un peu office de centre LGBT pendant pas mal d'années. En fait, c'était pas forcément la porte d'entrée la plus facile, parce que c'était la porte d'entrée VIH, en tout cas, association de santé. Santé communautaire, mais en fait, c'est qu'il n'y avait pas d'autres lieux à Saint-Étienne. Donc nous, on a prêté prêté nos locaux, on a mis à disposition nos locaux pendant toutes les années que l'association a existé. Donc aux structures associatives, ça a été, je peux en citer quelques-unes, mais l'association des mineurs, ou tout début le refuge quand ils ont essayé de se créer à Saint-Étienne, Randos, les associations. En tout cas, ou des initiatives associatives qui sont organisées, ou alors les festivals. Il y a eu l'association Trans Marcha aussi, qui à un moment donné s'était installée à Saint-Étienne. En tout cas, on a essayé, nous, d'être moteur vers les associations LGBT, mais parce que il n'y avait pas de centre, en tout cas de lieux visibles. Nous, on avait un local, on avait Pignon sur rue. Donc en fait, le public venait aussi se renseigner sur les activités LGBT qui pouvaient être organisées dans la ville. Alors pour nous, c'est bien parce que évidemment, hein, ça permet de faire de la prévention, récemment de proposer du dépistage. C'était aussi pas simplement attendre que les personnes arrivent, mais aller vers et puis proposer des initiatives. Ouais, juste, merci. Hein, deux petites questions. La première, vous avez pas mal parlé des évolutions du rapport des pouvoirs publics nationaux. À l'échelle locale, quel était le rapport des différentes municipalités, instances vis-à-vis de l'association, et comment ça a évolué aussi au fil du temps, hein, avec des municipalités qui n'avaient pas la même orientation politique. Et puis deuxième question, rapidement, sur la place dans l'espace local. Vous avez dit que vous étiez dans la Grand Rue au départ, hein, donc vraiment position très centrale, très visible. Et puis après, je crois que vous avez déménagé plutôt derrière la FNAC. Donc pourquoi ce choix, et qu'est-ce que ça a changé dans le positionnement et dans la capacité à toucher certains usagers ou non? Alors, on a déménagé de Gambetta parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'on payait un loyer à quelqu'un qui n'était pas le propriétaire. Donc on s'est retrouvé, pendant des années, on a payé un loyer à quelqu'un qui n'était pas le propriétaire des locaux. Bast. Non, c'est pas celui-là. Non, on est parti de Gambetta parce qu'il construisait un immeuble derrière et il voulait la moitié de nos locaux pour faire des garages. Donc en échange, le fameux à qui on a payé un loyer nous a emmené là-bas, derrière la FNAC. C'était pas plus mal parce que ce quartier-là, c'était un quartier qui était assez fréquenté par notamment ce qu'on appelait les toxicomanes. Et on en a quand même récupéré pas mal là, dans ce quartier-là. Et on était aussi sur la rue aussi. Moins visible que dans la rue Gambetta, mais les gens savaient où on était. Donc, Et puis les locaux étaient assez grands, c'est bien fait, donc c'était pas plus mal. Et puis sur les dernières années, donc rue de la Résistance, en fait, l'association a eu quatre locaux. Les tout débuts, c'était plutôt dans le quartier de Bellevue. Ensuite, plutôt sur Gambetta. Rue Michel Servet, en bas du Crédit Rock. Et puis les dernières années, rue de la Résistance, avec une visibilité qui était aussi intéressante, une proximité de la place de l'Hôtel de Ville qui était plutôt bien pour le public qu'on voulait toucher, pardon. Alors sur le rapport avec les pouvoirs publics, c'est une vaste question. Alors, on a alors les financements de l'association, hein, c'est les financements comme beaucoup d'associations en France, en tout cas sur la lutte contre le sida. Hein, donc c'est l'agence régionale de santé avant les DAS, DRAS, etc. Enfin bon, toutes les structures qui se sont succédées pour les financements d'État et ensuite alors oui des financements des collectivités locales de la ville de Saint-Étienne et du département de la Loire, sachant que la santé a pris, c'est pas forcément leur financement, en tout cas leur financement premier. Donc en fait, ils finançaient les structures associatives de santé parce qu'elles avaient une activité sur le territoire, etc. En tout cas, c'était pas le gros des financements par les collectivités locales. Et puis le financeur aussi, deuxième financeur principal, c'était SIDAction. Voilà, sur des fonds privés. Les liens avec les municipalités, alors ça va dépendre des adjoints à la santé, ça va dépendre des équipes. Il y a eu des hauts et des bas. Hein. Bon, en tout cas, soit c'était plus, on va dire, on nous a jamais mis de bâton dans les roues, je pense pas. C'était prudent quand même. Hein. Mais bien parapluie. Hein. Mais en tout cas, c'est pas non plus, ça n'a pas été non plus un soutien fort comme qui aurait pu être dans certaines municipalités. C'était plutôt cordial. Au tout début, quand même, ils nous fournissaient des locaux à Bellevue. On payait pas les loyers, on payait rien. Bon, c'était des locaux vétustes. Hein. Fallait pas aller aux toilettes quand il pleuvait, par exemple, parce que on prenait la douche en même temps. Mais on avait des locaux, quoi. C'est vrai que faire une différence entre les municipalités, je saurais pas dire s'il y a eu des périodes où c'était où il y avait un soutien plus appuyé ou pas sur les 30 années d'existence de l'association. Voilà, c'est l'année où Vincent a été élu à Saint-Étienne. On avait demandé à être reçu par chaque candidat. C'était cocasse. Des questions du style mais il y en a beaucoup, j'ai entendu des homosexuels, mais ils sortent dans la rue. Non, on est tous autour de vous là, en train de vous parler, mais bon, oui, on sort un peu. Des questions comme ça. Là, heureusement, il y avait un conseiller à côté qui modérait un peu ses paroles, mais il était moins con, lui. D'autres qui étaient plus. Soit qui s'en foutaient, soit qui était un peu plus compréhensif. En tout cas, chaque moment électoral, en tout cas, ou les élections locales, ou en tout cas, ou même député, à chaque fois, on essayait de les solliciter, en tout cas, d'obtenir des informations ou d'avoir un petit peu leur point de vue sur ce qu'ils pourraient mettre en place pour la lutte contre le VIH-Sida dans leur ville ou en tout cas dans leur sphère d'action. Voilà, on essayait en tout cas de les interpeller, de les rencontrer si c'était possible. Mais en tout cas, le champ politique est aussi important au niveau local pour pouvoir être soutenu. Et puis pour, c'est pas que des questions de financement, mais c'est aussi c'est des questions de confiance et puis de possibilité de mener des actions. Voilà. Pour ce qui est de la région, bon, on touchait rien à la région, hein, je crois. Non. Mais depuis que... Comment il s'appelle déjà ? Actuellement ? Oui, j'ai oublié son nom. Wauquiez, depuis qu'il est passé président de la région, il a supprimé toutes les subventions LGBT. Notamment à Lyon, le centre LGBT ne touche plus rien. Il a tout donné aux chasseurs. Merci de nous partager cette expérience. J'avais une question en tant que du coup acteur associatif. Vous nous avez parlé un peu de la collaboration avec la municipalité de Saint-Étienne. Est-ce que vous avez mené des projets en collaboration avec la ville ? Depuis 2019, ils ont le label Ville engagée contre le sida. De votre point de vue, quel rôle la ville a joué depuis le début de l'épidémie et joue maintenant dans cette lutte contre le sida ? Je pense qu'ils ne se mouillaient pas trop. Ils nous soutenaient. Ils nous aidaient parfois, notamment sur le projet Écharpe Rouge. Ils ont accepté qu'on mette le truc sur les marches de la mairie. Ils étaient sympas avec nous, mais bon, c'était pas non plus des porteurs de projet. Hein. Mais ils nous suivaient quand même. C'est-à-dire que bon, on n'avait pas de mauvais rapport. Bon, les élus à la santé, comme je disais tout à l'heure, ils ouvrent le parapluie. Hein. Oui, oui, je vais voir. Il ne promettait rien, tout comme ça. Hein. Oui. Sur alors, les relations avec les politiques locaux, ce qui était important, c'était qu'on puisse, nous, avoir régulièrement accès à l'espace public, qu'on puisse faire nos actions quand il y avait des actions de collecte de fonds, quand on avait besoin d'organiser une manifestation, voilà, ou en tout cas qu'il y ait un soutien logistique pour l'organisation de ces manifestations. Ville engagée contre le sida, donc ça c'est un label qui est donné à certaines villes qui répondent à certains critères. Alors de mémoire, je pense que c'est l'association Élue contre le sida, donc de Romero, qui donne ce label à certaines villes. Bon, est-ce que ça se traduit depuis par des actions de manière concrète ? Ça, je sais pas. Alors, moi, je peux pas parler sur les dernières années puisque Actis, ça s'est arrêté fin 2020. Donc, depuis, mais ça sera peut-être discussion demain avec l'équipe qui mène les actions aujourd'hui. Mais il y a des choses qui se font sur l'accompagnement peut-être aux actions de dépistage. Il peut y avoir mais en tout cas c'est un label qui est demandé à l'association des élus locaux contre le sida qui est accordé. Après, concrètement, en termes d'action, je ne sais pas si ça se matérialise de manière concrète. Quand vous parlez des actions auprès du public scolaire, où on voit en fait que ça a vraiment changé aujourd'hui, parce que moi, enfin, dans tous les entretiens que j'ai pu faire avec des personnes de aide, on me disait mais on n'est pas là pour faire de l'éducation sexuelle en fait. Donc aide a complètement délaissé cette ère de prévention, alors que bon, c'est important quoi. Et alors, c'était juste une question. Vous avez parlé justement à la fois du tournant quand vous êtes devenu Actis et ensuite de la réduction des risques. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce moment, sur ce tournant réduction des risques sexuels ? Est-ce qu'il y a eu des débats importants au sein de l'association sur la diversification des messages préventifs ? Est-ce qu'il y a eu des luttes internes, des départs consécutivement ces débats qui ont peut-être existé, et comment en fait plus largement s'est opéré un petit peu cette transformation des messages préventifs. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure sur la consultation TRT5, et puis plus largement derrière, est-ce que quand la PrEP a été autorisée, vous avez fait des accompagnements hospitaliers, par exemple pour les personnes qui étaient désireuses de bénéficier de la PrEP? Je sais que Aide en fait est revenue à l'hôpital, a réinvesti l'espace hospitalier à l'occasion justement de la PrEP. Donc est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire à Saint-Étienne ? Alors c'est vrai que la prévention diversifiée, une fois que tout a été proposé, mis en place, que les pouvoirs publics ont proposé à ce qu'on travaille aussi là-dessus, donc forcément nous on a adapté nos activités et nos méthodes d'action, d'intervention, puisque en fait de passer du tout préservatif à une proposition, enfin alors ça ne s'est pas fait en un jour, hein, mais une proposition un peu plus d'une palette de prévention beaucoup plus large. Donc ça a remis aussi en question toutes nos pratiques, nos méthodes. Il a fallu se reformer, il a fallu trouver des nouveaux angles d'intervention auprès de public. Et en fait, ça nous a aussi spécialisé en fait, de nous rediriger vers, comme on en parlait aussi ce matin, vers les publics cibles. Alors que on avait quand même des interventions beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges, et les financeurs, les pouvoirs publics ont aussi accompagné à ce qu'on aille vers les publics cibles, les publics évidemment migrants et les publics HSH. Donc en fait, en interne, oui, ça a posé plein de discussions, plein de débats. Alors En même temps, entre-temps, ça s'était aussi professionnalisé sur les questions de la prévention, réduction des risques. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins d'actions qui étaient menées par les volontaires bénévoles, ou en tout cas des équipes mixtes volontaires bénévoles. On était passé où il y avait des personnes salariées qui menaient ces actions avec des financements qui allaient avec, etc. Donc, je pense que ça a été le point de basculement aussi sur une professionnalisation des interventions de prévention et de réduction des risques. Je pense que ça devenait quand même aussi compliqué pour les volontaires et les bénévoles à ce moment-là d'intégrer en fait toutes ces possibilités. C'était pas non plus dans leur culture et dans ce qu'ils venaient chercher. Enfin, en tout cas, il y avait besoin de professionnaliser aussi la prévention et la réduction des risques. Donc, je pense que ça a été aussi un point de basculement. Alors sur la PrEP. Alors l'association s'est arrêtée en 2020, fin 2020, donc on avait déjà la PrEP hein, à ce moment-là, mais on n'avait pas eu le temps de mettre en place vraiment un accompagnement spécifique, ou en tout cas des modalités d'accompagnement vers la PrEP, de groupes de parole comme Aide après a pu le mettre en place. Je pense que ça existe aujourd'hui, je pense que ce sera le sujet demain. De la discussion avec Fabien de l'ENIPS, mais en tout cas l'accompagnement PrEP aujourd'hui il y a des choses qui existent en lien avec le CHU. Nous on était un petit peu à la lisière quoi. Ah, les liens avec le CHU au tout début. On se voyait régulièrement. Moi je passais beaucoup de temps au 1bis à l'époque. Je croisais Anne souvent parce qu'on avait les mêmes elle, ses patients, moi, mes usagers. Oui, on était à bon contact, hein, il n'y a aucun problème. On faisait nos permanences d'accueil, c'est une fois par semaine, je crois, un truc comme ça, oui. On nous prêtait un bureau où on pouvait accueillir les gens qui souhaitaient nous parler ou des gens qui avaient eu un résultat positif, malheureusement, et qui avaient besoin d'avoir plus d'explications par rapport à ça, même s'ils en avaient eu avant avec le médecin, mais qui avaient besoin de confirmation, qui avaient besoin de mots rassurants, d'autres mots rassurants, je sais pas. Non, ça passait très bien. Oui, il n'y a aucun souci. Hein. Heureusement, d'ailleurs, c'était bien pour nous, parce que on avait l'impression de travailler ensemble, quoi. C'est important. Je crois que c'est important pour les patients aussi. Le VIH a inauguré, dans le lien avec les patients et les associations, quelque chose de très nouveau. Dès le début, en fait, les patients, les associations, les médecins, tout le monde collaborait. Voilà. Surtout dans ces années très sombres. Hein. Donc il y avait des interactions qui étaient extrêmement fréquentes. J'ai participé à des formations de volontaires. Enfin bon, ouais. Ça allait dans tous les sens, en fait. Et c'est... Voilà. Je pense que c'est ce qui caractérise le mieux cette infection. C'est le dialogue qu'il y a eu dès le départ entre les patients, les accompagnants et le monde des soignants. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets hein, qui se sont menés en collaboration entre les associations et les services hospitaliers, et puis les Cégides hein, aussi sur le dépistage. Il y a quand même des actions importantes qui ont été menées. Et puis les Corévi aussi ont été vraiment la création des coordinations régionales sur le VIH. Ça a vraiment permis aussi de tisser, d'étoffer des liens qui existaient par avant, mais qui étaient peut-être moins formels. Ouais, Fabien de l'association ENIP, je voulais rebondir sur ce que disait Anne justement. Je pense que le VIH a été la genèse de ce qu'on appelle l'auto-support et les usagers experts en fait, et ce qui a ouvert les portes à tout un tas de choses, notamment la réduction des risques en milieu festif des produits psychoactifs, mais tout un tas de voilà les usagers qui aide les autres usagers, et je pense que c'est vraiment le VIH qui a initié ça, et c'est important de le souligner, et ça a donné, pour la PrEP c'est pareil, qui est arrivé en 2016, un peu avant, mais voilà, les personnes un peu réticentes à prendre la PrEP allaient écouter bien sûr les médecins, mais écouter aussi les usagers qui prenaient la PrEP. En fait, c'est toujours cette initiation de personnes concernées envers les personnes concernées et sur tout un tas de sujets. J'en profite, je rebondis. Renaud, ce matin, faisait allusion au film 120 battements par minute. Et on rappelait aussi avec Fanny qu'il y avait finalement, depuis peut-être une dizaine d'années, une histoire popularisée et reprise en main finalement par une association qui est ACT UP. Et qui finalement a une histoire assez conflictuelle avec les pouvoirs publics, avec les institutions, y compris l'institution médicale. Et là, en fait, vous nous dites autre chose. Vous nous dites que les choses roulaient entre les différents acteurs, au moins sur le plan local. Peut-être qu'ailleurs, ça a été différent, mais vous semblez dire que cette histoire-là n'est pas la vôtre. Par rapport à Aide, enfin, quand j'étais à Paris pour les conseils nationaux, souvent, il y avait des manifs de l'ACT UP, et les gens de Aide y participaient. ACT UP, on n'avait pas la même façon de... On combattait pour les mêmes choses, mais on n'avait pas la même manière. ACT UP, c'était plus virulent, mais ça nous ouvre aussi des portes derrière, à Aide, pour rencontrer les ministres, les pouvoirs publics, pour faire avancer les choses. On n'était pas en conflit, on était au contraire en partenariat. Hein. On ne fonctionnait pas du tout de la même manière, mais on le voyait d'ailleurs dans la manif, hein, les gens d'ACT UP étaient couchés par terre et ceux de Aide étaient incompétents, on ne va pas salir. C'est pas le même public, mais c'était les mêmes combats, les mêmes revendications. ACT UP a ouvert beaucoup de portes qui ont permis à Aide, après, de pouvoir négocier des choses pour le bien des malades. Les manifestations spectaculaires d'ACT UP, c'était pas sur le terrain du soin, c'était sur le terrain des laboratoires. Exactement. Et des pouvoirs publics décisionnaires, des ministres, pour autoriser la publicité pour les préservatifs, notamment. C'est Michel Barzac qui avait ouvert cette porte, parce qu'avant, c'était totalement interdit. Voilà. Mais voilà, donc ce n'était pas sur le terrain du soin qu'ils luttaient, c'était sur le terrain des laboratoires, des chercheurs, des ministres pour mettre de l'argent, pour soutenir. Voilà. Mais en ce qui concerne le soin du patient, il n'y a jamais eu de difficulté avec le milieu associatif, jamais. La question que je voulais vous poser du coup, c'est et la colère. C'est-à-dire que dans quelle mesure la colère que vous avez forcément eue comme individu aussi dans cette lutte qui a été quand même, il a fallu se battre pour arriver à avoir des choses. Et vous avez représenté vraiment quelque chose vraiment de l'ordre de l'accompagnement, de l'aide, du soutien, de la prévention avec des publics difficiles, en distinguant d'ailleurs toujours un milieu social favorisé qui échappe, qui n'a pas besoin de vous en gros, et puis surtout des gens qui ont vraiment besoin de vous parce qu'ils sont pas informés, seuls, isolés, voire pauvres. Enfin, voilà. La question que je voulais vous poser, c'est à quel moment il y a eu de la colère aussi pour tout ça, pour cette situation sociale qui fait qu'il y avait des gens qui étaient à ce point démunis, qui éventuellement n'étaient pas si bien pris en charge que ça par l'institution médicale, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y avait aussi de la colère en vous? Parce que c'est vrai que moi, j'ai plus fréquenté pour les gens d'ACT UP Paris dans les années 90, et c'était ça le moteur de l'action et de la protestation, et qui permettait d'obtenir des choses effectivement assez, assez fortes. Et qui parfois n'avait aucune efficacité parce que ça faisait peur. Alors, la colère, bon, forcément, elle était là, mais elle était là tout le temps. En fait, de toute façon, quand on intervient sur des situations qui étaient compliquées, hein, sur les questions de discrimination, les questions des discriminations au travail ou les enfin, des choses, voilà, qui ont été compliquées. Alors, est-ce que les associations locales, contrairement à des associations, en tout cas sur des villes plus importantes, des associations ou des associations nationales, elles ne s'est pas exprimées, je pense, de la même façon, de la même manière. Alors, on n'a pas non plus la même densité d'activité, hein, du nombre de personnes qui pouvaient nous solliciter, etc. Donc, je pense qu'on essayait de régler les choses. Peut-être que, oui, il y a sûrement eu des moments où il aurait fallu peut-être intervenir davantage sur le terrain politique, le terrain voilà, de la mobilisation. Est-ce que Alors pourquoi ça se faisait pas forcément ? Parce que c'était sûrement plus difficile de, quand on est à, dans des villes moyennes. Ça, je pense que ça, voilà, la colère, elle pouvait pas se, se manifester de la même façon que dans, qu'à Marseille ou à Paris. On, nous, on intervenait sur voilà, Saint-Étienne, Roanne, Le Puy-en-Velay, sur voilà, des accompagnements, des actions sur des zones plus rurales. Bon, c'est pas simple de mettre les gens en colère aussi. Hein, bon, je... Et puis aussi, on menait des actions quand même pour arriver à solutionner. Je me souviens d'une femme camerounaise qui a... Il y avait la loi de Chirac, je crois, qui disait qu'on ne peut pas envoyer dans son pays d'origine une personne qui n'avait pas, qui n'aurait pas accès aux soins qu'elle a en France dans son pays d'origine. Sarkozy a fait sauter ce truc, après derrière, mais bon, à l'époque, donc Sarkozy a fait sauter ça, mais à l'époque, ils avaient placé des médecins d'AS dans les mairies qui estimaient si oui ou non la personne pouvait ou non être retournée dans son pays. Il se trouve que cette personne était camerounaise et qu'elle avait, donc elle avait reçu une fin de non-recevoir. Et moi, j'avais fait une mission pour aide au Cameroun en 94. Et j'avais rencontré donc, des médecins à l'hôpital Agatini à Douala, deux femmes médecins, et puis un monsieur médecin aussi qui avait un laboratoire dans Douala. Et je lui ai écrit, je lui ai demandé de me lister vraiment toutes les conditions qu'il fallait pour obtenir un traitement. Parce qu'en fait, ce médecin d'AS, elle estimait qu'à partir du moment où il y a une mission, un laboratoire qui faisait une mission dans un pays, paf, on avait accès aux médicaments. On a pu démontrer que, ben, effectivement, l'accès aux médicaments était presque pas possible, très difficile, et même peut-être pas renouvelable dans le temps, donc c'était dangereux de la renvoyer dans son pays. Et là, on a obtenu quand même, en discutant, sans se mettre en colère, en discutant, on a obtenu quand même qu'elle soit pas expulsée. Je voulais un peu revenir sur le volet générationnel de l'association, en posant deux petites questions. Si vous, en tant qu'association, vous avez observé des différences dans la tranche d'âge de vos bénévoles entre le début et aujourd'hui, enfin le début, je parle de début de l'épidémie. Et de plus, on a une actualité assez récente au final où on observe l'augmentation des cas VIH-Sida chez les jeunes. Est-ce que vous arrivez toujours à toucher de la même manière via un engagement, des actions de prévention les jeunes, ou au contraire, vous observez une sorte de distanciation de la jeunesse quant aux thématiques du sida, avec une sorte, au final, de, enfin, je vais dire ce mot-là, mais de banalisation, entre guillemets, vu les avancées médicales qu'on connaît ces dernières années. Voilà. Je suis à Saint-Étienne depuis un mois, j'étais à Lyon avant, et au centre LGBT, j'ai entendu des jeunes, très jeunes, qui disaient le sida, c'est les vieux. Moi, je couche pas avec un vieux. Et c'est pour ça que je trouve intéressant cette initiative d'historique un peu sur la lutte contre le sida. Parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont pas dans la tête cette histoire. Et c'est normal. Ils n'ont pas cette histoire-là. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'on a vécu dans les années 90, de ce désarroi dans lequel on était quand on voyait nos amis partir les uns après les autres, de notre mal-être aussi, parce que ceux qui restaient, ceux qui en réchappaient, ben, ils vivaient un peu le syndrome du survivant, là. Pourquoi ils sont partis, pourquoi moi je suis encore là. Il n'y a pas cette histoire, les jeunes ne peuvent pas connaître cette histoire, c'est normal. Ouais, en tout cas, et puis l'engagement volontaire et bénévole dans les associations de lutte contre le sida, il a été très, très mouvant, hein, parce que c'est avec des hauts et des bas, des périodes qu'on peut distinguer avant l'arrivée des thérapies, ensuite un fléchissement, une baisse de l'implication dans la lutte contre le VIH. C'est vrai qu'on avait... Nous, sur Actis, en tout cas les dernières années de l'association, on avait un retour un petit peu de bénévoles, et en tout cas de issus de la communauté LGBTI qui se remobilisaient. qui seront mobilisés. Alors c'est vrai que c'est arrivé aussi un peu au même moment que 120 BPM qui a eu un effet. Enfin, en tout cas, le film a eu un effet sur la mobilisation et sur le, en tout cas, l'interrogation des jeunes sur voilà ce qui a été la lutte contre le VIH. Ce côté-là, c'est un film qui voilà a tout son intérêt. C'est vrai qu'on avait organisé nous deux séances avec bon, il y avait Didier Lestrade et puis d'autres personnes, enfin en tout cas des acteurs du film, etc. Je crois bien qu'il y avait Campilo, je sais plus. Mais en tout cas, les deux séances de la soirée de l'avant-première, en fait, voilà, c'était archi complet quoi. Il y avait un engouement pour, et en tout cas des questionnements de personnes beaucoup plus jeunes. La salle était à majorité de personnes qui avaient autour de 20-25 ans en fait, et c'était voilà, c'était assez nouveau parce que bon, des séances publiques avec des films, etc., il y en a qui étaient organisées régulièrement voilà, avec la cinémathèque, avec les cinémas, etc., mais on avait toujours un public bon, qui était toujours un peu le même public qui venait parce qu'ils avaient été concernés de manière plus ou moins avec un lien avec le VIH. Mais en tout cas, ce film a eu un effet voilà. Alors si l'association existait encore aujourd'hui, voilà, peut-être que là ce serait encore différent maintenant, peut-être que l'engagement voilà aurait encore changé. Enfin, en tout cas, c'est pas un engagement qui a été linéaire, en tout cas dans la lutte contre le sida. Il y a vraiment eu des hauts et des bas, des périodes où on se retrouvait finalement, où on était très peu nombreux. Voilà, après, il y a l'arrivée de personnes plus jeunes. Et puis, il y a les gens concernés par le VIH qui, petit à petit, avec l'arrivée des thérapies, bah, à juste titre, hein, avaient envie de vivre et de faire autre chose. Moi, j'ai une question sur l'engagement. Peut-être continuer un peu sur la question du bénévolat. Vous me disiez tout à l'heure que dans les années 90, il y avait plus de 100 volontaires dans l'association. Du coup, c'est des gens qui avaient quel profil, qui sont restés, qui sont encore là. Et peut-être aussi revenir sur comment l'association s'est arrêtée. Au début, c'est vrai que l'association a été créée par le président. Le premier président, c'était une personne qui était concernée, qui était touchée, et les autres personnes qui étaient dans le bureau à l'époque étaient toutes des personnes qui étaient contaminées. Et puis au fil du temps, on a vu arriver d'autres personnes, donc on avait un trio de dames d'une soixantaine d'années qu'on appelait drôle de dames, mais qui faisaient un travail fabuleux d'accompagnement, l'accompagnement de personnes, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec le VIH. Pourquoi ils sont venus chez nous, on ne sait pas trop, mais bon, c'était méritant, quoi. Il n'y avait pas de problème. Et puis il y a un peu tous les profils, bon, beaucoup de gens ou concernés ou qui avaient dans leur entourage ou un proche qui était touché et qui avait envie de non seulement en savoir plus sur cette maladie mais aussi de s'engager pour aider. Et puis d'autres personnes qui étaient là parce que gay, parce que puis il y a aussi des soignants. Psy, infirmier ou infirmière en retraite. Enfin, sur l'engagement au long cours, en fait, les personnes concernées, ben, soit n'étaient plus là. Les gays, évidemment, sont beaucoup mobilisés, mais on peut citer aussi les lesbiennes qui, à ce moment-là, en fait, sachant que on était vraiment dans un axe communautaire, là, hein, qui se sont engagées beaucoup sur les premières années, les années difficiles de l'épidémie, qui ont apporté un soutien important. Enfin, sur les dernières années à Actis, on avait aussi l'engagement de jeunes séropositifs qui avaient été contaminés autour de 20-25 ans. Donc voilà, il y a eu quelques personnes aussi qui arrivaient, qui avaient ce profil-là. Alors que, bon, on était plutôt sur des profils de bénévoles séropos qui étaient là depuis très longtemps aussi, hein, voilà, qui étaient là depuis très longtemps. Et ça, c'était un aspect assez nouveau, un engagement nouveau. Et ce qui se passait aussi, c'est qu'entre l'entretien d'accueil qu'on avait, le premier entretien qu'on avait, Et l'engagement de volontaires, il y avait la formation initiale. La formation initiale, donc, qui abordait tous les aspects médicaux, tous les aspects d'accompagnement, etc. Et c'est vrai que quand on avait dans la salle 20 personnes, au bout du compte, il nous restait 6-7 personnes qui restaient bénévoles, qui restaient volontaires. Pourquoi l'association a fermé ? Alors, bon, il n'y a pas une raison, voilà, c'est pas parce que du jour au lendemain, on a décidé, enfin, ça s'est fermé comme ça, hop, on arrête. Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors déjà, c'est toujours triste hein, quand une association disparaît, parce que c'est tout un pan de l'activité, tout un pan de la vie associative locale qui s'arrête. Mais en fait, alors moi j'ai envie de dire, une association, bah, ça naît, ça vit et ça peut mourir. Parce que on a souvent on pense que les associations, bah, elles sont toujours là et puis elles survivront aux crises, à tout, et c'est pas le cas. Hein. Les associations, elles peuvent s'arrêter. Pour ce qui concerne Actis, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est alors des questions de gouvernance et d'un conflit entre l'équipe salariée et l'équipe dirigeante associative. Bon, et on sait que les conflits, ben voilà, ça malheureusement ça peut engendrer des situations bien dramatiques. Peut-être peut-être qu'on était arrivé aussi, ou je sais pas, peut-être au bout d'un processus, que l'engagement militant avait complètement changé, et que diriger une association aujourd'hui, en tout cas une association locale, et ben ça demande aussi, quand il y a une équipe salariée, ça demande aussi des compétences, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et peut-être que y avait moins cette envie là. Peut-être moins l'envie de poursuivre. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu des présidents, ou Alain, Michel, des présidents très engagés, et puis qui tenaient l'association voilà, de manière solide. Et que peut-être que les derniers dirigeants avaient plus trop cette niaque et cette envie. On sortait de l'épidémie de Covid qui avait beaucoup changé la donne. Enfin bon, c'était compliqué hein, parce qu'on mesure peut-être que maintenant en fait ces difficultés que ça avait causé à l'époque. Et d'une manière aussi peut-être un peu plus large, les pouvoirs publics petit à petit, je pense, avaient envie d'avoir quelques opérateurs principaux sur le monde associatif. Alors, ça veut pas dire, je veux pas parler à leur place, mais ça veut pas dire qu'ils auraient arrêté les subventions à un moment donné d'Actis, mais en tout cas ils avaient envie davantage d'avoir quelques grands interlocuteurs et de peut-être pas saupoudrer les financements vers trop de structures différentes. Peut-être qu'avoir que un ou deux opérateurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Peut-être que ça, c'est peut-être quelque chose qui les intéressait. Après, je veux pas parler à leur place. Je sais pas ce qu'ils auraient décidé. En tout cas, c'est alors voilà, une association qui disparaît, c'est voilà, parce que c'est aussi beaucoup d'activités qui disparaissent en même temps. Ça veut dire qu'il faut que ces activités-là puissent être reprises. Alors, elles ne sont jamais reprises de la même manière. Hein. Voilà, c'est autre chose après. Et c'est vrai que ça a été un contexte un peu difficile pour Saint-Étienne, puisque bon, une association qui avait plus de 30 ans, qui disparaît, voilà. Oui, puis c'est voilà un contexte en plus. Peu de temps après, il y avait aussi le planning familial qui a eu des soucis à Saint-Étienne. Enfin, on était vraiment dans un contexte là, en tout cas sur la réduction des risques sexuels, entre la disparition d'Actis, après la fermeture du planning familial, ça a été une période compliquée. Mais en tout cas, il n'y a pas une raison principale. C'est tout un faisceau de difficultés. Un conflit entre l'équipe dirigeante et l'équipe salariée, de toute façon, ça, en général, ça mène à jamais rien de bon. Avant que vous fermiez, est-ce que il y avait eu des formes de propositions qui auraient pu maintenir une activité parce qu'aujourd'hui vous avez disparu. Quels sont les acteurs en fait qui restent parce que j'ai regardé par curiosité la carte des actions de aide. Saint-Étienne, il n'y a rien. Le Puy-en-Velay, il n'y a rien. Enfin, il y a un manque, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, enfin voilà, demain il y aura Fabien de l'ENIPS qui pourra intervenir là-dessus. Mais voilà, il y a l'ENIPS qui est présent et qui a pris le relais, en tout cas sur les actions LGBT, puisque l'ENIPS, enfin tu diras si je me trompe, hein, mais est financé essentiellement pour ces actions-là. Alors Aide, moi j'avais compris qu'ils essayaient de se réinstaller sur Saint-Étienne. Alors ils font quelques actions, mais en venant de Lyon. Et c'est essentiellement, je crois, tourné vers les publics migrants et puis vers peut-être les personnes en situation de prostitution. Il me semble que c'est un peu les deux axes qu'ils ont essayé de reprendre sur le territoire. Mais en tout cas, alors avec des permanences, des choses comme ça, mais pas un local, une implantation avec tout le dispositif que pourrait réorganiser Aide. Alors pourquoi ils ne réinvestissent pas totalement Saint-Étienne et la Loire, ça je pourrais pas dire. Moi je pensais qu'ils allaient prendre le relais d'Actis assez rapidement, quoi, pour mais bon, ça, visiblement, ce n'est pas non plus le cas. Est-ce que c'est des questions aussi de financement? Ça, je ne sais pas. C'est vrai que nous, on avait aussi, en tant qu'association indépendante, on pouvait bénéficier des fonds de site d'action qui étaient relativement importants. Donc, Aide n'en bénéficie pas. Donc, peut-être qu'il faut qu'ils agissent davantage sur leurs fonds propres. Enfin, voilà, c'est tout plein de questions qui sont un peu en suspens. Ça ne veut pas dire que dans... Voilà, ou alors il faut remonter peut-être une structure associative, pourquoi pas, même si aujourd'hui, vu le contexte des financements, etc., ça paraît difficile, par exemple, aujourd'hui, de se dire ben, il n'y a plus d'acteurs et puis on reprend de zéro, on essaie de monter une association de lutte contre le sida. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Alors que il y aurait peut-être des personnes qui aimeraient et qui souhaiteraient le faire, mais... Vu le contexte des financements, le contexte compliqué quand même pour les associations en termes de gestion, etc., ça me paraît difficile. Vous avez évoqué effectivement un engagement long cours, une épidémie qui dure. Bon, là, il y a 40 ans, ça fait quasiment 40 ans, voire plus. Ma question, c'est à propos de la recherche et de la promesse médicale. J'imagine que dans les premiers temps de vos engagements, il y a peut-être eu un espoir d'un vaccin, et que peut-être ça a même été un argument ou un point d'appui, un levier aussi pour aider les gens à vivre, en disant effectivement, alors je sais qu'au début c'était pas forcément... possible, mais globalement, est-ce que ce levier-là, comment vous l'avez abordé, sachant que Théo terminait son intervention ce matin en disant bah, finalement on espère plus la fin de l'épidémie presque naturelle que via un vaccin. Comment vous avez abordé en tant qu'acteur associatif cette question du vaccin? Est-ce que c'était un espoir pour vos usagers? Comment vous, décennie après décennie, vous l'avez vécu finalement, ce report différé d'une fin de l'épidémie à, alors, je ne sais plus, tu disais ce matin 2030, enfin on est à 2030 puis on sera peut-être certainement à 2040, 2050. J'y pensais pas vraiment, pas du tout, au vaccin. À l'époque, quand on a commencé à début 90, il y avait encore de la ZT, il y avait encore des trucs, des premiers médicaments qui existaient, quoi. Mais on savait qu'il y avait aussi beaucoup de recherches, beaucoup de peut-être de nouvelles molécules qui allaient arriver. Et notre espoir était là-dedans, dans la recherche, et dans une nouvelle molécule qui allait améliorer les choses. Moi, je pensais pas du tout au vaccin, je parlais pas de vaccin avec les personnes que je rencontrais. Moi, dès le départ, je savais qu'il faudrait du temps. Le plus difficile, c'était la période justement. C'est là où peut-être j'avais peut-être un peu de colère. Quand sont arrivées les thérapies et que j'avais perdu 2 ans avant beaucoup d'amis, je me disais, on aurait pu les sauver peut-être. Je sais que maintenant il y a des traitements qui marchent bien. Je sais que maintenant il y a des gens qui vont bien avec le VIH. Pas tous, mais il y en a qui vont bien avec le VIH. Moi, je pense que dans l'avenir, il y aura des traitements qui seront encore plus performants. Peut-être que les gens auront moins de médocs à prendre, auront peut-être un médoc par mois, peut-être, je ne sais pas. Il y aura des avancées. Des avancées qui feront que les gens sont toujours porteurs de ce virus, mais que ce virus sera dormant. Toujours présent dans le corps, mais pas. Il ne pourra pas contaminer d'autres personnes. Et il ne pourra pas non plus détruire la personne. Mais dans les années 90, on n'y pensait pas. Puis on n'en parlait pas du tout. Hein.